Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur la longue nuit d'agonie du franquisme. Et le 30 octobre 1975, en direct à la télé, le porte-parole du gouvernement espagnol annonce, et je le cite mot pour mot, que pour des raisons impératives, le général Franco délègue tous ses pouvoirs de chef d'État au prince héritier Juan Carlos de Bourbon. Grave et solennelle, cette déclaration met fin à plusieurs semaines de rumeurs sur l'état de santé du dictateur. On le présumait malade, on le découvre mourant. Les Espagnols ont du mal à y croire, car depuis plus de trois décennies, le régime, c'est Franco, les décisions, c'est Franco, l'Espagne, c'est Franco. Imposé par la terreur, maintenu au pouvoir par la force, le dernier tyran d'Europe de l'Ouest va donc mourir. Mais cette mort sera-t-elle celle du franquisme? Et alors, que deviendra l'Espagne? Accès à la démocratie ou guerre civile? Aujourd'hui, bien sûr, on a la réponse, mais à l'époque, la question était réelle autant que sensible. Aujourd'hui, là, fin octobre dernier, et en vertu d'une décision de la Cour suprême, l'Espagne a exhumé le dictateur Franco de son mausolée monumental de la vallée de Los Caídos pour mettre son corps dans un caveau de famille, comme tout le monde. Notre invité aujourd'hui, Manuel Pelual, professeur de civilisation espagnole contemporaine à l'Université d'Angers. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chelius, Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Vendredi 17 octobre 1975, banlieue nord de Madrid. Derrière les épais rideaux de velours du palais du Pardo, dans la pénombre, une dizaine d'individus en blouse blanche s'affairent sur le corps d'un vieil homme. Assis sur une chaise roulante, il a le teint blême, le regard vide, ses mains tremblent. La veille, en pleine nuit, il a fait un malaise cardiaque. Après une batterie d'examens, les médecins ont diagnostiqué une insuffisance coronarienne. Autrement dit, le cœur n'est plus assez irrigué. L'équipe médicale a veillé toute la nuit. Ce matin, le cardiologue le plus réputé du pays est venu à son chevet. Avec ses mots, il tente de lui expliquer l'aspect critique de la situation. Mais à bientôt 83 ans, le malade ne veut rien entendre. Au contraire, il menace à haute voix le médecin. « Ce matin, dit-il, ce matin, comme tous les vendredis matins depuis bientôt 36 ans, j'assisterai au Conseil des ministres et je ne vous demande pas votre avis. » Silence pesant dans la salle. Franco a parlé, on ravale sa salive. Dans la précipitation, les médecins installent des électrodes sur sa poitrine afin de suivre l'évolution de son rythme cardiaque. Ensuite, une infirmière l'aide à s'habiller. Puis on l'emmène jusqu'à la salle du conseil. Il s'assoit péniblement sur son siège, emboutable. Les médecins, eux, s'installent discrètement dans une petite pièce adjacente. Là, sur l'écran d'un électrocardiogramme, ils observent les battements de son cœur. Quelques instants plus tard, le chef du gouvernement espagnol et ses ministres entrent à leur tour. La réunion de travail commence. À l'ordre du jour, la question cruciale du statut du Sahara occidental. Le premier ministre prend la parole. Puis c'est au tour du ministre de la Défense. Tout se déroule normalement. Lorsque soudain, l'aiguille de l'électrocardiogramme s'affole. Aucun doute, le vieil homme de l'autre côté est en train de faire une crise cardiaque. L'un des médecins tente d'intervenir. Un garde du corps l'en empêche. De l'autre côté du mur, assis droit sur son siège, le malade reste stoïque. Ses lunettes fumées masquent son regard. Il finit par se lever et parvient à quitter la salle, seul. La grande porte s'ouvre, puis se referme derrière lui. Et là, le vieil homme s'effondre dans les bras de ses médecins. Le général Francisco Franco, l'homme qui règne d'une main de fer sur l'Espagne depuis plus de 36 ans, n'est plus que l'ombre de lui-même. Quelques coronaires bien inspirés vont bientôt délivrer le peuple espagnol du tyran. Mais c'est après 72 heures de silence officiel rempli de rumeurs officieuses et de spéculations rassurantes que l'information sur l'état de santé du dictateur finit par fuiter dans les médias étrangers. France Inter, 13h30. Le général Franco, à nouveau malade. Plusieurs spécialistes, surtout des cardiologues, sont depuis ce matin à son chevet au Palais du Pardo. De Madrid, François Pelot. Un communiqué officiel est attendu d'un moment à l'autre pour préciser la gravité de la crise cardiaque, puisque c'est le terme employé dans de nombreux milieux officiels, qui à l'aube ce matin a convoqué au chevet du général Franco les meilleurs spécialistes espagnols. L'alerte semble sérieuse, car c'est la première fois que des complications cardiaques sont signalées chez ce vieillard de 83 ans, diminué par la maladie de Parkinson et aussi par la phlébothrombose et les hémorragies internes de l'été de 1974. Mercredi 22 octobre, dans les rues de Madrid, une foule de reporters et d'envoyés spéciaux se pressent devant l'entrée des bâtiments officiels. Certains ont pris le train dans la nuit à Paris, d'autres l'avion le matin même à Londres, à Rome ou encore à Bonn. La veille, plusieurs agences de presse ont affirmé qu'il ne s'agissait plus que d'une question d'heure pour Franco. Alors, caméra à l'épaule ou micro à la main, les journalistes guettent le moindre signe et le moindre communiqué sur l'état de santé du général. On surveille aussi les drapeaux qui flottent sur le toit des immeubles, au cas où ces derniers seraient mis en berne. Au milieu de cette foule, on trouve le correspondant de France Inter, Didier Hadès. Témoin privilégié, il assiste depuis plusieurs mois aux absences répétées du dictateur lors d'événements ou de cérémonies officielles. Jusqu'ici, le palais du Pardo trouvait à chaque fois une justification satisfaisante, grippe bénigne, angine foudroyante, mais sans gravité, sciatique légère, mais handicapante. Et à chaque fois, explique Didier Hadès, Franco réapparaissait subitement à la tribune dans les jours qui suivaient. Mais dans le cas présent, note le journaliste de France Inter, la situation semble bien plus grave que par le passé. Du côté des autorités espagnoles, c'est le mutisme. Seule la radio nationale diffuse quelques communiqués sur l'état de santé du caudillo. Le dernier rapport médical dit ceci. À 7h30, l'évolution clinique de son Excellence, le chef de l'État, est en bonne voie. La situation cardiaque est stabilisée et les constantes sont normales. Le traitement de son hémorragie digestive donne de bons résultats. Les deux derniers contrôles ne laissent entrevoir aucune nouvelle fuite hépatique. À Madrid, les heures passent et l'atmosphère demeure étrangement calme. Baladez-vous dans la capitale espagnole, écrit un reporter de l'hebdomadaire Le Point. Oui, baladez-vous où vous voulez, vous ne trouverez personne parmi la population qui donne l'impression d'être inquiète au sujet de Franco. À croire que les gens ne savent pas ce qui se passe, ou que tout le monde semble s'être résigné depuis bien longtemps à le voir disparaître, conclut le journaliste. Et on voit passage du Prado, avenue Calvo-Sotelo, rue Alcalá, les terrasses de café et des restaurants restent ouverts. Dans les kiosques à journaux, la presse du jour, soigneusement muselée par le pouvoir, titre sur la situation au Sahara occidental, sur les rencontres franco-soviétiques, ou encore sur les récents résultats de la Ligue de football. Enfin, rien de très engageant. Alors quoi? Les Espagnols se fichent du sort de Franco? Non, pas vraiment. Disons, comme l'explique ce professeur de sciences politiques à l'Université de Madrid, si une grande partie des Espagnols reste aussi serein, c'est que pour eux, Franco ne craint pas la mort, comme s'il était au-dessus de ça. Et que personne ne croit pas que Franco va mourir. Réellement, nous étudions tous les faits et nous disons oui, il va mourir. Il est très malade, il est très grave. Mais je crois que si vous mettiez tous les Espagnols dans un fauteuil de psychoanalyse, on dirait non, il va se sauver. C'est peut-être un alibi, c'est peut-être je ne sais pas quoi, mais personne ne croit qu'il va mourir. Je crois que c'est une des raisons de la sérénité. Il y a d'autres. Les autres, je crois que c'est aussi, et peut-être c'est là l'alibi, c'est la peur à commencer à voir le futur entre nos mains. Ça commence. Une fois qu'il est parti, qu'il parte, nous devrons nous organiser. Seuls. En 1975, partout en Espagne, un constat s'impose. Le général Franco est une figure indéboulonnable. Il suscite la crainte, la haine, la peur et parfois l'admiration, la panoplie du parfait dictateur. Mais comment cet homme au visage flasque et à l'œil torve s'est-il hissé au pouvoir en Espagne jusqu'à faire de son pays sa chose? Et bien tout commence au milieu des années 30, à une période où l'Europe vit les heures les plus sombres de son histoire récente. Es spricht der Führer! Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen. Été 1936, la vague du fascisme submerge le continent européen. Ces idées-là ont le vent en poupe dans les pays qui comptent. Elles apparaissent à l'époque comme modernes, capables de dessiner l'avenir, un autre avenir. Les discours démagogiques sont d'une redoutable efficacité sur les peuples. Hitler et les nazis sont au pouvoir en Allemagne. Mussolini et ses faisceaux, qui rappellent ceux des lecteurs de la Rome antique et qui donnent leur nom au fascisme, ont la main mise sur l'Italie. Les démocraties, françaises et britanniques, elles, tentent d'endiguer la vague populiste d'extrême droite et la montée de la haine. L'Espagne, pour sa part, est plongée depuis plusieurs semaines en pleine guerre civile. De Madrid à Barcelone, de Bilbao à Séville, républicains et nationalistes s'affrontent dans une lutte à mort après le coup d'État mené par quelques gradés factieux de l'armée espagnole. Parmi eux, un petit général, Francisco Franco. Originaire de Galice, il a 44 ans au début de la guerre civile. De l'avis de nombreux historiens, c'est par un mélange de chance et de hasard qu'il se retrouve au premier plan. S'il est nommé chef du gouvernement national dès octobre 1936, c'est avant tout parce que ses principaux concurrents haut gradés meurent durant le combat. Franco est de ceux qui avancent sur un champ de ruines, autrement dit sans mérite. Et s'il parvient à écraser l'opposition républicaine, c'est parce que les démocraties européennes et l'URSS l'ont abandonné, et surtout parce que Franco bénéficie d'un appui sans faille des puissances de l'Axe. D'ailleurs, comme l'écrit l'éminent historien Joseph Pérez, à l'inverse d'un Hitler ou d'un Mussolini, Franco ne possède aucune des qualités qui le prédisposent à conduire la destinée d'un peuple. Dépourvu d'idées, de visions politiques, il ne brille ni par ses capacités militaires, ni par ses dons intellectuels. Le général Franco, écrit l'historien, est juste un soldat opportuniste dont les convictions simplistes tiennent en quelques mots conformisme, anticommunisme, complot judéo-bolchevico-maçonnique, bref, un médiocre. Arriba España! Un État totalitaire harmonisera l'Espagne, fera fonctionner au mieux toutes les capacités et toutes les énergies du pays, dans lequel, au sein de l'unité nationale, un travail, estimé comme le plus incontournable des devoirs, sera le seul représentant de la volonté populaire. Printemps 1939, le général Franco entre victorieux dans les rues de Madrid. Il célèbre l'unité nationale retrouvée. La guerre civile s'achève, son bilan humain est terrible. On estime aujourd'hui que les combats ont fait plus de 500 000 morts et qu'un demi-million de personnes se sont réfugiées à l'étranger. La famine, elle, a fait plus de 300 000 victimes. Enfin, certains massacres, comme celui de Guernica emblématique, participent du traumatisme collectif. C'est donc à la tête d'un pays meurtri que Franco s'installe. Un pays dans lequel toute forme d'opposition a été décimée. Un pays dans lequel il s'intronise lui-même au rang suprême de caudillo, comprenez, grand chef de guerre. Et le tout par la grâce de Dieu, bien sûr. Si l'Espagne franquiste ne participe pas directement à la Seconde Guerre mondiale, le régime reste un allié fidèle de l'Allemagne nazie à qui il fournit une main-d'œuvre considérable. Ce qui, à la fin de la guerre, placera l'Espagne et son chef infréquentable au banc des nations. Le L'autorité de Franco sur les Espagnols, écrit l'historien Joseph Pérez, ne repose ni sur ses succès, ni sur la rigueur de son argumentation, ni même sur l'éloquence de ses discours, non. Le secret de la réussite, c'est sa conviction. Oui, il s'est convaincu lui-même et il a réussi à convaincre les autres que la Providence l'a chargé d'une mission, sauver l'Espagne. Pour y parvenir, le caudillo concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il gouverne avec l'appui de l'armée, de l'église catholique, de l'organisation fasciste de la Falange et les grands propriétaires. Tout y est. Liberté d'expression bafouée, opposition réprimée, bien sûr. L'Espagne s'enfonce dans les ténèbres d'un régime totalitaire. Comment témoigne ce jeune Espagnol ? Vous êtes Espagnol. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme un homme libre ? Oui, dans le domaine particulier, je me considère un homme libre. Mais dans le domaine social, politique, professionnel, je me considère soumis à l'arbitraire des agents de l'autorité. Les agents de la sécurité, comprenez la Seguridad, police politique du régime qui traque sans relâche tous ceux qui osent défier le pouvoir. Le garrotage, plus communément appelé technique du lacet étrangleur, est dispensé en place publique, stratégie de la terreur. De son côté, le Movimiento Nacional, comprenez le Mouvement National, seul parti politique autorisé, fait voter une loi qui transforme le régime espagnol en régime monarchique. Un régime où Franco gouverne à vie et choisit son successeur. L'école, elle aussi, joue un grand rôle dans le système franquiste. Partout, on lave plus blanc. L'éducation nationale inculque à ces millions d'enfants au cerveau lessivé que Franco, en plus d'être le sauveur de l'Espagne, est aussi l'unique rempart du pays contre la guerre civile. Un État totalitaire harmonisera l'Espagne. À partir des années 60, l'Espagne réintègre le concert des nations. Guerre froide oblige, les Américains considèrent désormais Franco comme un rempart contre la montée du communisme en Europe. Pour en finir avec les pénuries alimentaires, le rationnement et l'immigration, le caudillo engage le pays vers une timide libéralisation. L'Espagne entre alors dans une phase de croissance économique et l'afflux de touristes étrangers dans les campings pas chers joue un rôle important. Pour les historiens, c'est le début du faux miracle espagnol. Faux, car ce développement ne bénéficie qu'à une élite suppôt du régime franquiste, bien sûr. Dans certains quartiers des grandes villes, la population continue de vivre dans un état de pauvreté accablant. En 1969, le château de cartes construit par Franco vacille. Les médecins diagnostiquent au dictateur un trouble chronique neurodégénératif dont on ignore les causes et surtout la thérapie. Son nom, maladie de Parkinson. Dès lors, le caudillo sait qu'il est condamné. Le régime doit lui trouver un successeur. Ce sera le prince héritier Juan Carlos de Bourbon. Plus tard, au tournant des années 70, l'Espagne est le théâtre de nouvelles revendications. Ouvrière ou étudiante, basque ou catalane, elle démontre que l'opposition politique, toujours clandestine, n'a pas disparu. L'assassinat à l'explosif du Premier ministre Carrero Blanco, en plein cœur de Madrid, par un commando de l'ETA en 1973, en est la preuve. Malade, le vieux dictateur doit céder une première fois le pouvoir à son dauphin, le prince Juan Carlos. Mais le caudillo rappelle qu'il n'en a pas fini avec la terreur. En septembre 1975, à Madrid, Burgos et Barcelone, cinq hommes considérés comme terroristes sont exécutés en place publique. Ce sera le dernier crime de Franco. Le mois d'octobre qui arrive sera celui de son agonie. Tout de suite des nouvelles de Madrid. Je vous le disais, les médecins de Franco ont franchi une nouvelle étape dans l'escalade des communiqués puisqu'ils parlent maintenant d'un état de santé d'une gravité extrême. C'est comme ça, on en est réduit pour en savoir un peu plus à peser soigneusement chaque terme utilisé par l'équipe médicale officielle du caudillo. On imagine facilement ce que ça représente quand on sait qu'ils sont maintenant 16 médecins à faire partie de cette équipe. Madrid, l'un de nos envoyés spéciaux, Didier Hades. De demi-heure en demi-heure, toute la nuit, les bulletins se sont succédés sur les antennes. Tous, invariablement, jusqu'à il y a quelques minutes, répètent. El estado es extraordinariamente grave. Son état est extraordinairement grave. Le communiqué qui annoncera la fin ne surprendra personne. Mais à l'heure actuelle, il est bien difficile de dire ce que ressentent les Espagnols. Leur dignité, leur orgueil leur interdit de le montrer. Mais l'intérêt qu'ils portent à l'évolution du mal est évident. Mieux même, ils ont découvert que leur radio ou leur télévision pouvait être un moyen d'information sur ce qu'il se passe au Pardo, pas à la Zarzuela. Où Juan Carlos doit être en train de méditer l'ultimatum que lui aurait lancé hier Arias Navarro. Vous prenez le pouvoir temporairement ou vous quittez le pays. Jeudi 30 octobre, Palais du Pardo. Une trentaine de médecins se relaient autour du lit de Franco maintenant. À leur tête, le marquis de Villaverde, chirurgien cardiaque et surtout gendre du dictateur. C'est à lui que revient toujours le dernier mot. C'est lui qui supervise les quatre opérations qu'on effectue dans des conditions critiques sur le général. C'est lui, enfin, qui signe les communiqués, ceux qui disent « Franco était opéré en soldat au milieu des soldats ». Au fil des jours, les informations qui circulent dans la presse deviennent de plus en plus contradictoires. Donné pour mort le mardi, après un nouveau malaise cardiaque, on le dit vivant le mercredi, et on précise qu'il a regardé la télévision et même pratiqué quelques exercices physiques. Entre mensonges et vérité, entre espoir et gravité, la confusion est telle que sur la base d'une information donnée par son consulat, le département d'État américain va même jusqu'à envoyer un message officiel de condoléances aux autorités espagnoles. En France, les dessinateurs de Charlie Hebdo s'en donnent à cœur joie. À la une de l'hebdo satirique, on découvre ce titre. Situation en Espagne, 2 points. Rassurez-vous, Franco va mieux, il est allé au cimetière à pied. À l'image, on découvre, en plus, un cercueil en bois se déplaçant sur deux jambes. À la télé, beaucoup plus sage. Sur le plateau de France 3, en l'occurrence, un jeune médecin défend l'idée que Franco pourrait déjouer tous les pronostics, même les plus pessimistes, et s'en tirer. Superman, quoi. Est-ce que cet appareillage complexe enlevé, le général Franco, est quelqu'un qui peut s'en sortir, est quelqu'un de vivant? Si on réussit à faire que le général Franco se passe de cet appareillage suffisamment tôt avant que cet appareillage n'entraîne sur l'organisme les complications qu'il entraîne au bout d'un certain temps, il pourrait donc s'en tirer. Mais au même moment, dans les colonnes du Figaro, Jean d'Ormesson, lucide, écrit dans un long éditorial l'incroyable acharnement médical pour maintenir Franco en vie. Bardé d'autant d'appareils que de maladies, atteint de troubles de la respiration et de la circulation, d'insuffisance rénale et coronarienne, d'arythmie cardiaque, d'une hémorragie intestinale, d'un œdème pulmonaire et d'une thrombophlébite, charcuté par les chirurgiens, branché à un rein artificiel, nourri par intraveineuse, vidé de son sang et quasi congelé, le général Franco offre un effroyable spectacle, celui d'une lutte de Machiavel en blouse blanche contre l'ange exterminateur. En cette fin de mois d'octobre 1975, Franco est désormais un mort-vivant exposé sous les projecteurs des caméras de télé, dans l'attente du dernier souffle, le vrai. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrumbar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. La, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Ici Radio France, vous écoutez France Inter, il est 19h. Bonsoir. Le général Franco vit actuellement ses dernières heures à l'hôpital La Paz à Madrid. Dans leurs bulletins médicaux, les médecins se contentent maintenant d'indiquer l'évolution de l'agonie. On peut dire que seul le cerveau du caudillo fonctionne encore. Mercredi 19 novembre 1975, une ambiance funèbre règne dans les rues de Madrid. Voilà presque un mois que le général Franco est en équilibre sur un fil entre la vie et la mort. Devant l'hôpital La Paz, où il est hospitalisé, des centaines de personnes viennent déposer des fleurs, allumer des cierges ou chanter en son honneur. Étrange fascination, ici ou ailleurs, pour les dictateurs et leur capacité à faire croire au peuple qu'il a toujours œuvré pour eux, qu'il en est à la fois le père et le protecteur, en Espagne comme ailleurs. Quelques mètres plus loin, massée derrière des barrières, la presse internationale est là, elle aussi. Depuis plus d'une semaine, les journalistes étrangers font le siège devant l'hôpital. Plus d'une vingtaine de caméras sont braquées en permanence devant le sas de sortie des ambulances, prêtes à filmer lorsque le véhicule médicalisé immatriculé 7044 AN, celui-là même qui avait amené en urgence Franco, repart en direction du Palais du Prado, avec cette fois la dépouille du caudillo. Oui, cette fois, il est vraiment mort. L'AFP, d'ailleurs, rapporte le témoignage d'un des médecins. Il est sans nuance. L'acte, réalisé en catastrophe, était sans espoir, puisque le cœur et le système rénal du malade sont déjà artificiels. Puis le médecin ajoute, en apportant cette précision glaçante, « Durant l'opération, Franco vomissait le sang au litre par la bouche et par le nez. Nous avons dû lui en transfuser 7 litres et placer son corps en état d'hibernation. » Les Espagnols s'interrogent. Les dernières heures du dictateur sonneront-elles le glas du franquisme et qu'adviendra-t-il du pays? Au micro de France Inter, une jeune étudiante de l'université sur ce point s'exprime. Quel est le climat à l'université? Eh ben, je pense qu'il y a un profond malaise, une atmosphère un peu tendue. On a les policiers partout, on a des jeeps à l'entrée de l'université, on a 5 policiers dedans. Dans la faculté, on ne peut rien faire, on ne peut pas s'exprimer. Enfin, il y a un profond malaise. Face à cet événement, est-ce que vous réagissez différemment que vos parents? Eh bien oui, il y a une différence, c'est que mes parents, toute leur vie, ils ont eu Franco. Ils n'ont pas connu d'autre régime, rien d'autre. Alors, mes parents qui se disent libérales, qui ont toujours été anti-franquistes par système, maintenant, face à la mort de Franco, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de ce qui va venir, ils ne savent pas, ils n'ont pas la force d'affronter les événements qui pourraient surgir. On ne l'apprendra que bien plus tard, mais derrière l'épisode pathétique de l'agonie du dictateur se cache en réalité une guerre des clans. Au palais du Pardo, en effet, franquistes modérés et franquistes fondamentalistes s'affrontent. Et l'enjeu est de taille. La succession du caudillo et la survie ou non du régime. Depuis le 30 octobre, selon les vœux de Franco, Juan Carlos de Bourbon assure les fonctions de chef de l'État à titre temporaire. Mais comme l'explique le journal L'Express en France, parmi les membres du premier cercle du dictateur, tous ne sont pas convaincus par l'héritier désigné. Les uns, poursuit l'hebdomadaire, veulent accélérer l'accession au trône de Juan Carlos, les autres s'y opposent. Les débats sont animés. Certains préconisent l'instauration d'un pouvoir militaire, d'autres évoquent un candidat de substitution plus à même de garantir au régime sa sécurité. Le nom d'Alphonse de Bourbon d'Empierre revient fréquemment. Car cet homme, qui lui aussi appartient à la famille royale, présente un avantage d'envergure. Il est marié à l'une des petites filles de Franco. Quant à Juan Carlos, on le soupçonne d'être prêt à accélérer la transition démocratique et à dissoudre le régime. Si l'Espagne tourne la page du franquisme, va-t-elle s'orienter vers un régime démocratique? Écoutez le sentiment de cet homme interrogé dans les rues de Madrid. Est-ce que demain l'Espagne connaîtra une vie politique du type parlementaire français, anglais ou allemand? Je crois que petit à petit on connaîtra tout ça. Oui, dans quelques années peut-être. Quelques années. Pourquoi pas immédiatement? Nous deviendrons démocratiques. Vous pouvez dire à vos amis européens que nous aimons l'Europe. Nous aimons la Suisse. La Suisse est un pays merveilleux que je connais et que j'aime. Nous deviendrons démocratiques. Mais on ne doit pas nous pousser. On doit être tranquillement, doucement, parce que l'Europe n'est pas l'Espagne. Nous sommes dans la frontière de l'Afrique. De leur côté, les phalangistes exigent qu'on maintienne le dictateur en vie le temps de trouver une solution pérenne pour le pays. Dans le Figaro, le journaliste Jacques Guillemet-Brulon en tire cette conclusion sévère. Le général Franco et son régime nous offrent depuis des semaines un spectacle pitoyable. Ils sont en train de mourir comme ils ont vécu, dans le refus, en état de guerre civile, avec eux-mêmes et avec ceux qui les entourent, au mépris des souffrances du peuple espagnol. Les proches du dictateur maintiennent en vie un mort pour sauver ce qui reste d'un régime à la déroute. Mais soyons clairs, il n'y a plus rien à sauver. Le mal est déjà fait, l'histoire en est témoin. Le 19 novembre au soir, la famille de Franco se réunit avec l'équipe médicale qui supervise les opérations sur le patient. Seuls quelques proches et des intimes sont conviés. Franco, qui a subi au moins 7 opérations, qu'on a plongé dans le coma, à qui on a retiré un rein et une partie de l'estomac, qui ne respire qu'à l'aide d'une machine qu'on transfuse en permanence et qu'on purge à l'aide d'une sonde, lui, le rondouillard, ne pèse plus que 40 kilos. Pourtant, le pronostic des médecins se veut toujours optimiste. « Oh, il y a toujours une chance que son état s'améliore », disent-ils. On raconte alors que Carmen Franco, la fille du dictateur, s'en serait prise violemment à son mari, le marquis de Villaverde, chirurgien et responsable de l'équipe médicale. « Il faut laisser mon père mourir. Cette mascarade a assez duré », aurait-elle lancé devant un auditoire médusé. Ce même 19 novembre, alors qu'il ne fait plus aucun doute que Franco va passer l'arme à gauche, pour une fois, le régime franquiste, lui, prouve qu'il est encore bien vivant. 5 militants de l'ETA sont arrêtés et torturés à Madrid. Une dizaine d'étudiants contestataires tombent dans les filets de la police à Saragosse. Ils seront par la suite exécutés. Jeudi 20 novembre 1975, hôpital La Paz, Madrid. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Voilà un mois que l'Espagne retient son souffle. Un mois que Franco agonise à l'abri des regards, illusoirement maintenu en vie par des dizaines de tubes et autant de machines. Dans le long couloir qui mène à sa chambre, les médecins arborent des mines graves. À l'intérieur, derrière les rideaux blancs, on trouve le marquis de Villaverde, les enfants du dictateur et plusieurs membres de l'Église catholique d'Espagne. Tous regardent en silence l'écran de l'électroencéphalogramme. Depuis le milieu de la nuit, il est plat. Autrement dit, le cerveau de Franco n'émet plus aucune activité. La médecine ne peut plus rien faire. Palais de Villamejor, le téléphone sonne. On réveille en urgence le premier ministre Carlos Arias Navarro. C'est à lui d'annoncer aux Espagnols la mort de Caudillo. Un quart d'heure plus tard, en direct à la télévision, Le Monde découvre que le dernier tyran d'Europe occidentale n'est plus. Españoles. Peuple d'Espagne. Franco a muerto. Franco est mort. El hombre d'exception. L'homme d'exception qu'il était face à Dieu et face à l'histoire a dédié sa vie à l'accomplissement d'une mission fondamentale. Trois jours plus tard, le dernier acte de cette longue nuit d'agonie se joue dans la cathédrale de Madrid. Plusieurs dizaines de milliers de personnes assistent à la grand-messe en hommage au caudillo. Mais parmi les invités de cet éloge funèbre, aucun chef d'État européen de premier plan n'est là. Au même moment, quelques rues plus loin, plusieurs centaines de personnes manifestent contre le régime au cri de « Democracia, ahora, la démocratie, maintenant ». Avec la mort de Franco, une page de l'histoire se tourne. Pour autant, le pays n'en a pas tout à fait terminé avec le franquisme. La transition vers la démocratie est toujours un acte difficile. La preuve, en 1981, des généraux ont tenté un putsch, un échec. Ensuite, l'Espagne s'est solidement arrimée au camp démocratique et européen, devenant même, avec sa fameuse Movida, un modèle de liberté, de jeunesse et d'idées neuves. La vie siseta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la longue nuit d'agonie du franquisme, autrement dit la mort de Franco, dont nous allons parler avec notre invité Manuel Peloal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hispaniste, professeur de civilisation espagnole contemporaine à l'université d'Angers, directrice des cahiers de civilisation espagnole contemporaine. Vous avez publié récemment chez Inclinaison Positionnement politique en temps de crise, Espagne, années 20, et l'indépendance catalane en question, avec Cyril Trépied et Serge Buge, aux éditions Atlante, ça c'était en 2018. Alors si nous avons décidé de rediffuser cette histoire de Franco et de la mort de Franco, ce n'est pas par hasard. Bien sûr, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est la décision prise le 24 octobre dernier, de la part du gouvernement espagnol, de faire exhumer la dépouille du général Franco de la vallée de Los Caídos, c'est faire de l'endroit monumental, un sanctuaire en hommage à toutes les victimes de la guerre civile. Bien, évidemment, ça n'est pas innocent. Que représente et que signifie cette décision hautement politique? Alors, cette décision, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Donc, il y a une première dimension qui est éminemment politique, c'est-à-dire s'assurer des électeurs, mais ce n'est pas seulement cela. Hein, le problème était que le mausolée de Franco, qui dès l'origine était conçu pour abriter les dépouilles des personnes des deux camps, il faut le savoir, hein, puisque le franquisme avait mis en place une politique de réconciliation nationale à partir de 56. Donc ça, ce n'est pas nouveau, mais c'était le lieu de manifestation politique de nostalgie et en tant que monument historique, c'était ce qui posait problème aussi. Et donc ce qu'a fait Sánchez, c'est appliquer la loi de 2007 relative aux questions de mémoire historique. D'ailleurs, il l'a dit, Pedro Sánchez, cela met fin à un affront moral, à une anomalie pour une démocratie européenne. Effectivement. Oui, alors la thèse de l'Espagne comme une anomalie, c'est une thèse qu'on trouve depuis le XVIIIe siècle, qui est en partie fondée et en partie qui n'est pas fondée. On dit effectivement qu'en Espagne, il n'est pas normal qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui ne soient pas encore enterrées dignement. Hein, c'est le cas, puisque la répression de 39 à 45 a été très dure et qu'on est le dictateur. Effectivement, on dit qu'en Allemagne, ça ne serait pas possible. Donc effectivement, en ce sens-là, il a mis fin à une anomalie, mais en même temps, il y a le corps du roi, le corps de Franco, dont vous avez parlé dans la première partie de cette émission, c'est le corps physique, et puis il y a le deuxième corps, c'est le corps, disons, politique, et ce qu'incarnait Franco, eh bien, n'est pas encore disparu, n'a pas encore disparu du panorama espagnol. D'ailleurs, quand la décision, on a commencé à débattre de cette décision, ça n'a pas été facile, comme le montre et l'atteste ce reportage de d'Euronews, diffusé en août 2018. On l'écoute ensemble et on en parle après. Le gouvernement socialiste espagnol a signé vendredi le décret d'exhumation de Franco de son mausolée. La procédure devra être votée à la Chambre des députés, où les socialistes devront constituer une coalition pour briser le barrage des élus du Parti populaire qui s'oppose à l'exhumation du dictateur. Quand ce pays va-t-il cesser de conserver les restes du dictateur dans un tombeau d'État qui lui sert d'hommage à côté des victimes ? On tourne en rond et le gouvernement ne veut plus continuer à tourner en rond. Franco est lui-même à l'origine de la construction du complexe baptisé El Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés. Le gouvernement de Pedro Sánchez veut en faire un lieu de mémoire sur le modèle des camps d'extermination nazis. Une fois que la tombe de Franco sera enlevée d'El Valle de los Caídos, le site n'aura plus le caractère partisan qu'il présente aujourd'hui. Il ne sera plus un monument franquiste en hommage à une partie des victimes de la guerre civile. Il symbolisera alors vraiment la réconciliation après un conflit qui a eu lieu en Espagne il y a 80 ans. Au-delà de l'exhumation de la dépouille du dictateur, le gouvernement de Pedro Sánchez veut créer une commission vérité qui devra recenser les victimes de la guerre civile et de la dictature franquiste. Alors, je précise que dans le pays, en Espagne, 43% des Espagnols étaient pour l'exhumation, 32% étaient contre. Qu'est-ce que ça nous dit, ce débat de la nostalgie du franquisme ? Quelle est la force de ce mouvement en Espagne, aujourd'hui ? Alors, sur les 32% qui étaient contre, je pense qu'il y avait des nostalgiques et puis des personnes qui ne voulaient pas toucher au passé et qui ne voulaient pas, qui étaient dans la logique d'oubli qui a été celle du début de la transition. Alors, ce que ça nous dit, bon, quand on regarde les vidéos, les nostalgiques du franquisme pur et dur, ce sont quelques dizaines de milliers. Après, il y a certains thèmes qu'utilisait le franquisme, notamment l'unité indissoluble de l'Espagne, qui ressortent dans le programme du parti Vox, qui a obtenu plus de 50 députés aux dernières élections législatives en Espagne. Donc ça ressort, mais sous une autre forme évidemment, puisque le franquisme pur et dur, les héritiers sont pratiquement tous morts. Bon, mais il y a des thèmes qui ressurgissent et qui plaisent à une partie de la population. Alors, sur le plan historique, on reviendra sur l'Espagne d'aujourd'hui, et notamment avec la question catalane, qui est une question évidemment spécifique à l'Espagne, et une question lourde, et peut-être grave d'ailleurs. Mais sur le plan historique, on associe souvent la figure de Franco aux années 30-40, évidemment celle de la guerre civile en Espagne, du massacre de Guernica et de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, on oublie aussi souvent que le règne de Franco s'étend sur plus de 3 décennies. Donc, à la différence d'un Hitler ou d'un Mussolini, comment Franco a-t-il fait pour traverser le siècle? Franco, Hitler s'est suicidé, Mussolini a été tué, d'accord. Comment Franco a-t-il fait avec ces idées-là pour traverser le siècle dans cette partie du monde qui est l'Europe occidentale? Alors d'une part, bon, la première chose, je pense, c'est que les antifranquistes ont été très vite abandonnés par les puissances alliées, la France, l'Angleterre et les puissances, même l'URSS, n'ont pas soutenu la résistance, à la différence, bon, en Italie et en Allemagne, les alliés étaient avec la résistance et ont fini par vaincre Franco et Mussolini. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose aussi qui a fait que Franco s'est maintenu, très importante, c'est qu'au moment de la guerre froide, Franco devenait un rempart contre le communisme et donc intéressait aussi bien les Français que les Nord-Américains et donc on l'a laissé. Il a été très vite reconnu à partir des années 50. Hein, l'Espagne est entrée à l'ONU, un traité avec les Américains, les Nord-Américains. Donc ça, ce sont deux facteurs très très importants. Et au niveau interne, il y a un facteur aussi qui n'est pas négligeable parce qu'une bonne partie de la population a subi la répression. Mais petit à petit, il ne faut pas négliger les clientèles diverses qui étaient de plus en plus larges. Et une certaine partie des catégories, pas seulement privilégiées, des catégories catégorie, disons, populaire, une certaine partie sous forme de logements sociaux. Alors bien sûr, moyennant la carte, il fallait prendre la carte du mouvement, bien sûr, hein, mm-hmm. c'était subordonné, mais il y a une certaine partie de la population qui, quelque part, a quand même profité. Donc c'est un élément aussi qui peut justifier, qui peut expliquer ce maintien aussi long, outre, bien sûr, la violence, le contrôle permanent, pratiquement jusqu'à la fin. Sinon, sur quoi repose le franquisme ? Alors, un État fort, ça c'est le point commun de toutes les dictatures de l'extrême droite, un État fort, totalitaire, mais par rapport à Mussolini ou Hitler, il y a des différences. Le franquisme, c'est pas forcément un fascisme dans la définition qu'on en a habituellement. Oui, alors le franquisme, bon, il y a des points communs avec les fascismes, donc c'est un État fort, un État corporatiste et une répression des opposants. Ce sont des États aussi qui veulent, disons, un progrès économique, qu'ils n'obtiennent pas toujours ou pas tout de suite, donc ça, il y a des points communs. Après, il y a deux différences entre l'Espagne et l'Italie, fondamentales à mon avis, c'est le rôle de l'Église catholique, ah oui. qui n'a rien à voir avec l'Église catholique française, mais l'Église catholique avait un projet totalitaire, et le formuler comme ça, hein, chez certains, et de contrôle de toute la société, de l'éducation, etc. Donc ça, l'Église catholique, c'est la spécificité. Franco lui-même était un catholique fervent et sincère, hein, sur ce point. Ce qui n'empêchait pas de justifier la croisade. Hein. Pour lui, sa pratique de la religion, c'était une croisade contre les rouges, hein, et avec des méthodes de croisade. Ça, c'est une première chose. Et il y a le rôle de l'armée qui n'est pas récent, hein, depuis le 19e siècle, dans l'économie, dans la politique. L'armée a un rôle fondamental dans la politique espagnole depuis très longtemps, et le franquisme est une expression, et ça le distingue du fascisme mussolinien qui reposait sur des milices civiles, sur des groupes de civils armés. Alors, les parents de Franco, c'est toujours intéressant de voir le contexte familial des dictateurs. Il avait un père à la vie dissolue, et manifestement ça ne plaisait pas du tout au fils, donc Franco, Francisco Franco, et une mère en revanche très pieuse. Il est clair qu'il a dû être bien plus conditionné et influencé par sa mère que par son père. Oui, alors Franco, son père était effectivement, il a abandonné la famille, il avait une vie, il était joueur, il était coureur de jupons, et Franco était donc avec sa mère de fait et était très proche de sa mère, et bien sûr sa mère lui a servi de modèle, sa piété. D'ailleurs Hitler reprochait à Franco d'être trop catholique, hein, c'est entre dictateurs, bon, il y avait quand même un désaccord, et Franco aussi, c'est quelqu'un qui était quelque part, si on entend sa voix, qui est une voix de fossé, si on entend même, c'est quelqu'un qui était quelque part, qui a subi les bizutages à l'école militaire, qui voulait rentrer à l'école dans la marine, mais qui a eu que l'armée de terre parce qu'il n'était pas assez. Et donc il y a quelqu'un, bon, sans faire de psychologie, je suis pas, mais c'est quelqu'un qui n'était pas forcément bien placé dans la lutte pour la vie finalement. Si on regarde le personnage, c'est un personnage qui est, à la différence de Mussolini, bon, qui était lui, c'est vraiment un personnage, sa voix, son attitude, c'est quelqu'un qui était à la fois très ambitieux, puisqu'il a été général très très jeune, à 33 ans, grâce aux campagnes marocaines. Qui était déjà, il savait ce qu'il voulait, mais qui n'était pas la figure du surhomme, pas du tout, et qui effectivement était très très lié à sa mère, et qui, on ne lui connaît pas par exemple, hein, c'est rare chez les hommes politiques, d'aventure extra-conjugale, enfin c'est très difficile de trouver, donc c'est quelqu'un qui sur ce point appliquait ses principes. Est-ce qu'il y avait des accointances avec le régime voisin du Portugal, celui de Salazar ? Alors oui, ça le régime de Salazar s'instaure avant, en 1926, et il y a des influences croisées, hein, c'est-à-dire qu'il y a comme une association, et on ne sait pas d'ailleurs qui a influence, on sait qui, si c'est l'intégralisme portugais et Salazar, ou si Franco, bien sûr, mais il y avait des contacts, mais en même temps une défiance, puisque il y a à la fois l'idée d'une fédération ibérique, ou une fédération hispano-portugaise, ou luso-hispanique de régime autoritaire et conservateur, ça c'est un premier point, mais en même temps chaque pays tient à garder son indépendance, puisque l'Espagne a contrôlé le Portugal pendant 60 ans entre le 16e et le 17e, et donc le Portugal tient son indépendance, donc c'est à la fois un mélange à la fois d'accointance et de défiance mutuelle. Alors on va passer maintenant à la transition démocratique, on va écouter une autre archive, il s'agit du témoignage de l'un des anciens ministres de Franco, Laureano López Rodó. Il revient sur cette transition politique et le rôle clé de Juan Carlos. La transition politique espagnole a été une transition dans un cadre constitutionnel, il faut le souligner, pas une rupture. La légalité a été respectée, il fallait éviter soit un coup d'état de fait, soit un bain de sang révolutionnaire. Sans la restauration de la monarchie et le roi, chef suprême de l'armée, aurait été impossible la transition politique. Alors, la transition démocratique, on a tous été marqués par ça, en fonction de notre âge, évidemment, mais nos voisins, la transition vers la démocratie de nos voisins nous a beaucoup marqués. Puis il y avait la Movida, ce mouvement culturel qui a accompagné cette quête de liberté. Ça a été un modèle, ça, pour nous tous, les démocrates européens. Oui, oui, c'était un modèle. Bon, après, c'était une histoire différente. Donc, c'est vrai que l'Espagne trouve son propre modèle. Bon, là, une tradition quand même, pas forcément démocratique, mais parlementaire, depuis 1808. Alors, très interrompue, très accidentée. Mais il faut savoir que l'Espagne, en 1976, va renouer quand même avec une tradition parlementaire, sinon toujours démocratique. Donc, ça, c'est une première chose qu'on peut dire. Oui, cette transition, comme on l'entend dans l'archive, elle se fait à la fois dans le cadre légal, mais ce cadre va quand même sauter, c'est important de le dire, en 1976, pardon. C'est-à-dire que le cadre était prévu par Franco, et le franquisme est interprété aussi comme une réinstauration de la monarchie, avec Franco autoproclamé régent, parce que Franco, en 1947, donc décrète que l'Espagne est un royaume, donc il donne quand même la structure. Et puis, il décrète que c'est Juan Carlos qui passe par-dessus son père, parce que son père voulait manipuler Franco pour rétablir une monarchie en 39. Et donc, c'est pour ça que Franco a choisi son fils, Juan Carlos. Oui. Et donc, ça se fait dans le cadre de la loi, mais quand même, il y a quelque chose de très important. C'est en 76, le 18 novembre 1976, pratiquement un an après la mort du dictateur, l'Assemblée franquiste, qui était élue sur une base de corporation, qui n'était pas du tout élue sur une base démocratique, vote une loi pour la réforme politique. C'est le fameux harakiri de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il vote une loi de réforme politique qui donc vient rompre avec les principes du mouvement qui auraient dû être ceux du futur régime, puisque Juan Carlos avait prêté serment en disant « si je succède à Franco, je respecte les principes du Movimiento de 67 que vous avez rappelé ouais. ». Mais qu'est-ce qui se passe en 76? C'est qu'on va liquider cela et dire que donc la démocratie, c'est l'organisation politique du peuple espagnol, et donc on n'est plus dans la simple participation dans la vie politique qu'il y avait sous le franquisme. 43 ans plus tard. Et des Cortés, élus au suffrage universel. Bien sûr. 43 ans plus tard, l'Espagne est évidemment une vraie grande démocratie d'un pays européen, comme les autres pays européens, fragilisés par des déficits budgétaires, un chômage qui augmente. C'est ça, c'est le lot d'à peu près tous les pays européens. On note une montée des partis populistes Vox, qui passe dans quasiment tous les autres pays européens. Mais il y a la question spécifique, la question catalane. C'est évidemment la principale préoccupation de l'Espagne pour aujourd'hui et pour son avenir, cette question-là. Oui, c'est une des principales préoccupations. La question économique, le chômage, c'est quelque chose qui est endémique depuis les années 70 aussi, c'est problématique. Mais effectivement, la Catalogne, bon, c'est un problème qui est à la fois espagnol et catalan, puisque il faut voir que le nationalisme catalan se structure à la fin du 19e siècle, sous différentes formes, et qu'on est un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard, donc dans un stade d'indépendantisme qui couvait, mais qui n'était pas, qui ne s'affirmait pas de la même façon que depuis 2 ans. Donc c'est effectivement un problème, puisque l'indépendantisme, en tout cas, remet en cause l'ordre relativement stable de la Constitution de 1978 de manière très claire, et cela provoque un débat public. Est-ce que l'on doit changer la Constitution? Est-ce que l'on doit l'amender? Oui. C'est plus qu'un débat public. Pardon, c'est plus qu'un débat public, c'est une vraie tension. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Oui. Ah oui, il y a débat public, et évidemment tension, oui. Tension physique avec intimidation, bien sûr. Est-ce que c'est le talon d'Achille? Alors, la question que je voulais vous poser plus précisément, est-ce que le talon d'Achille de l'Espagne, c'est la question catalane, plus précisément? C'est un des tendons d'Achille, il y en a d'autres. L'économie présente certaines fragilités aussi, la légitimité de la monarchie, mais effectivement, c'est un élément qui est à casse-tête pour les politiques, quel que soit d'ailleurs leur bord, et dont profite Vox. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Ça passe vite, hein. Manuel Paloal, merci infiniment pour vos éclairages. Merci, au revoir. Au revoir.